pour voir le point de vue de ma femme. Je la contrôle. Parce que c'est pas ma femme que je blâme. Ma femme a toujours raison. Mais c'est que l'énergie est tellement forte que si tu ne contrôles pas, ben c'est elle qui reçoit le coup. Fait quand t'aimes ta femme, puis ta femme t'aime, puis qu'il y a de l'harmonie dans ta famille, tu t'arranges pour canner, pas là, ça c'est ta contrôle. Puis ça, c'est long. C'est avec ça que vous avez travaillé pendant des années de temps. Il y a des vous, il y a des bouts, vous êtes capables, il y a des bouts, vous n'êtes pas capables. Exactement. Ouais. Il y a des bouts que t'es pas capable parce que c'est des bouts qui sont. C'est des bouts qui te donnent encore plus raison. C'est des bouts qui te donnent raison que t'es pas capable. Quand tu sens que t'as raison, c'est là que t'es pas capable. C'est ça. Mais il ne s'agit pas de savoir si vous êtes correct ou non, il s'agit de pouvoir contrôler l'énergie. Ça n'a pas d'importance que vous soyez correct ou non. Vous êtes au correct anyway. On va être correct. On va avoir raison. Il ne s'agit pas d'avoir raison et d'être correct. Il s'agit de contrôler cette énergie-là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est constamment manipulé vibratoirement, nous autres, les hommes. Fait que quand la fusion commence à se faire chez l'homme, puis qu'eux autres commencent à rentrer, puis fusionner, c'est évident qu'on vibre, puis qu'on vibre, puis qu'on vibre, mais il s'agit plus pour nous autres d'avoir raison, il s'agit pour nous autres de pouvoir contrôler l'énergie. S'en servir quand il faut, et ne pas s'en servir quand il ne faut pas. Puis ça, ça prend énormément de vision, d'intelligence, d'expérience de notre intelligence. C'est ça l'expérience. C'est avec le temps qu'on en arrive à pouvoir la contrôler tout le temps. Il faut en arriver à pouvoir la contrôler tout le temps. Sans ça, elle nous contrôle. Les gens qui partent en mysticisme, là, puis en croisade, là, puis le Christ leur a dit ci, la Saint-Vierge leur a dit ça, puis Bouddha leur a dit ça, qui c'est que vous pensez que c'est? Ils sont pas capables de contrôler l'énergie. Fait que c'est ce qui se produit. À quelque niveau que ce soit. La vibration, là, quand tu l'avais dit, tu l'avais dit, la première fois que tu l'avais compris, c'est que moi, tu regardes, si tu dis, la vibration, t'envoie tout ça, tu fais avec ta réalité, avec tes plans dans le monde. C'est pour moi, c'est ce que je dis. Quand tu me donnes votre cœur, quand tu me fais faire des réactions, c'est sûr que ça bouge dans le sens, tu m'as donné dans l'esprit, parce que. On dirait qu'on n'est pas qu'à faire, l'énergie est là, mais ce qui est difficile, c'est de donner une direction pour qu'elle sorte de la nature qui ne se fait pas. C'est ça qui manque intelligent. Il faut savoir où la mettre une énergie. Tu peux la contrôler. Pour la contrôler, mais la contrôler, c'est pas la bloquer. Non, la contrôler, c'est pas bloquer. La contrôler, c'est s'en servir pour notre bien-être. Ou le bien-être d'un autre, mais notre bien-être. Parce que si le bien-être d'un autre, c'est notre bien-être. Parce qu'il y a une affaire de relation entre les hommes. C'est pas facile de la contrôler. Parce qu'à part, pouf, c'est comme si elle frappe l'ego quelque part, puis il vibre. Là. Puis comme on est bien sensible, mais tout s'amplifie. C'est pas comme avant. Là, c'est un bombardement. Exactement. C'est un bombardement. Fait que nous autres, faut qu'on la contrôle, cette énergie-là. C'est là quoi? C'est là que le mental devient très fort, très fort, puis très fort, puis très fort, puis très fort, puis très fort. C'est ça que... Je pense que c'est... mais ça fait partie de la pénétration de l'énergie, mais éventuellement, t'as contrôle, cette énergie-là. Alors, c'est évident que tu choques, mais éventuellement, t'es écœuré de te choquer, éventuellement, t'es écœuré de casser des assiettes. Tu sais, fait que c'est là que... C'est parce que c'est trop vite, on a quasiment pas le temps de vivre l'instantanéité. C'est parce qu'elle est très vite, c'est ça. Parce que ta vibration est très vite, elle est puissante, puis automatiquement, on n'est pas capable de la réaliser dans l'instantané, fait qu'on s'apprend. C'est ça. C'est ça. Ça sert tout le temps. D'un côté ou de l'autre, ça sert. Seulement, éventuellement, il faut qu'elle te serre. Le tuning, puis le tuning, puis le tuning, ils vont en faire du tuning avec vous autres tant que vous ne serez pas capable de la contrôler, cette affaire-là. Ils vont vous tuner, puis ils vont vous tuner, puis ils vont vous tuner, puis ils vont vous tuner. Seulement, pendant que vous faites tuner, vous devenez des violons, puis éventuellement, vous êtes plus capable d'être des violons. Il vient un point où tu n'es plus capable de souffrir. Tu n'es plus capable de souffrir. J'ai hâte de toi parce que tu t'es laissé embarquer par les autres. Parce que tu te laisses embarquer par les autres. Mais si tu ne te laisses pas embarquer par les autres, à ce moment-là, tu ne deviens pas hors de toi. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais tu peux faire sortir quelqu'un en dehors de ses gonds, par exemple, si tu te sers de l'énergie. Parce que tu peux créer un choc à ce moment-là. Mais ce n'est pas toi qui en souffres du choc. C'est l'autre qui va prendre la... C'est l'autre qui va le vivre, le choc.